Number 1. Text workup. Listen to the text on the recording. Repeat and answer according to the directions. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Avec une jeune fille française, un jeune homme américain, des amis, des aventures, des voyages, ça va être un véritable roman. Un roman en collaboration, un roman collectif. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire. Avec une jeune fille française, avec une jeune fille française, un jeune homme américain, des amis, des aventures, des voyages, ça va être un véritable roman, un roman. Un véritable roman. Ça va être un véritable roman. Un roman en collaboration. Collaboration. Un roman en collaboration. Un roman collectif. Un roman collectif. Nous allons inventer une histoire avec deux jeunes gens, des aventures, des voyages. Qu'est-ce que ça va être? Un roman. Vous aimez les romans? Oui. Bon, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Bah non, je déteste ça. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les romans d'aventure, les romans fantastiques, les romans d'anticipation? Ah non, je n'aime pas ça. Vous préférez les romans policiers? Oui. Vous aimez les romans? Vous aimez? Vous aimez? Vous aimez les romans? Oui, enfin, ça dépend. Oui, enfin. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que l'étudiant aime les romans? Oui, enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Vous aimez les romans d'amour? Ah non, je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça. Est-ce que l'étudiant aime les romans d'amour? Non, il déteste ça. Qu'est-ce que l'étudiant déteste? Les romans d'amour. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Les romans d'anticipation? Les romans d'anticipation? Ah non, non, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Est-ce que l'étudiant aime les romans d'anticipation? Non, il n'aime pas ça. Vous préférez les romans policiers ? Les romans policiers ? Vous préférez les romans policiers ? Vous préférez les romans policiers ? Qu'est-ce que l'étudiant préfère ? Les romans policiers.